Nisalamia wote magharibi ya leo mchina ya Bwana Yesu Kristo. Bwana Mungu amibariki. Tutasimama. Tutasoma barua yetu ya kila siku. Jude. Mstari ya tano na sita. Tutasoma. Basi, minapenda kumikumbusha hata vile munajua maneno haya yote. Vibwana pakokoa watu toka Misri. Lakini araribu vale bakutokuamini. Vale ba malaika bakuchunge fazi yabo. Baleacha makao yabo benyewe. Arivachunga mukifungo. Ya giza ili wapate kuchunga ile hukumu mkubwa. Bwana Mungu amibariki. Unawezi kuikala. Nous continuons avec notre sujet de la prédication. Les âmes qui sont en prison jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler sur Corée. Nous allons lire d'abord le prophète. Nous allons lire encore notre partie. Paragraphe 209. Mzuri. D'accord. Mulifanya. Vous l'avez fait. Mais souvenez-vous du peuple d'Israël. La Bible dit, après avoir tiré son peuple et l'avoir fait sortir de l'Égypte, Dieu les détruisit parce qu'ils n'ont pas suivi le message. Ils avaient mangé la manne du ciel. La manne que Dieu avait fait pleuvoir pour les nourrir. Ils s'étaient tenus en présence du messager. Ils avaient vu aussi la colonne de feu. Ils ont entendu aussi la parole, la voix de Dieu. Et en avaient eu même la confirmation. C'est parce qu'ils préféraient croire en Corée. Il peut y avoir davantage des gens ils peuvent être cela. Nous devons être aussi saints. Nous devons faire tout cela. Tout le peuple est saint. Et Dieu dit, séparez-vous et éloignez-vous d'eux. Moïse dit que tous ceux qui sont du côté du Seigneur viennent vers moi. Dieu a ouvert tout simplement la terre et engloutit le rebelle. Pourtant, c'était des braves gens, assurément. Mais cela ne suffisait pas. Tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, n'interromps pas dans le royaume des cieux. » Mais c'est lui seul qui fait la volonté de mon Père. C'est lui seul qui fait la volonté du Père. Ce n'est pas celui qui commence, mais c'est celui qui achève. Là où il y a les problèmes, c'est à la fin. Commencer, ce n'est pas un problème. Ce qui est très important, c'est arriver à la fin. Il n'y a pas de raccourci. Si ce n'est pas le cas, vous serez disqualifié à la fin de la course. Il n'y a pas de raccourci. Vous devez passer par le droit chemin. Qu'indiquent les Écritures? Si les Écritures disent, répentez-vous. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevez le don du Saint-Esprit. À cela, il n'y a pas de raccourci. De vous tenir par les mains, non. C'est unir aux dénominations. C'est de cette façon que vous allez entrer. À moins de mourir en vous-même et de naître de l'Esprit de Dieu. C'est tout. À cela, il n'y a pas de raccourci. Vous direz, oh, j'appartiens à l'Église, je le sais. C'est une bonne chose. Ma mère, je n'en doute pas. Mais c'est à vous que je suis en train de parler. Vous devez venir par le seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Et Christ, c'est lui ce chemin-là. Christ est la parole qui vit en vous et qui confirme chaque chose en vous. Ce qu'il a promis à ses enfants, à ses saisons, c'est pour cela. Vous saisissez cela? Amen. Beaucoup de gens ont fait confiance à Corée, une grande partie. Qui était Corée? Corée, c'était un Lévi. Lui aussi, il préservait le Seigneur. C'est parmi le groupe de Lévi où se trouvait Corée avec ses frères, que Dieu bénisse. Il avait sorti aussi. Le problème, c'est si c'est à l'arrivée. Maintenant, arrivé à mi-chemin, il est devenu orgueilleux. Parlons clairement. Il est devenu orgueilleux. Si quelqu'un devient rebelle, cela veut dire qu'il est rempli de l'orgueil. Vous allez écouter ce qui répondrait au serviteur de Dieu Moïse. C'est ses mains avec orgueil, avec arrogance. Que Dieu bénisse. Lorsque nous avons lu notre frère Franck, il avait l'amertume dans son cœur avec ces gens qui ont reçu ces messages. C'est pour aller. Ce n'est pas pour rester sur cette terre. Tu dois te retrouver de vous retrouver, frère. Le frère avec qui nous avons communié ensemble, le frère qui ont écouté ces messages, les qui ont prêché ces messages, il prêche à tout moment, disant que dans une seule cité, il doit y avoir une église. Et ils étaient en train de prêcher de cette façon pour briser les dominations. Maintenant, aujourd'hui, le même frère se retrouve. Chaque église divisée, à la tête de l'église qu'on a divisée, c'est un frère qui est à la tête et en train de conduire, qui est le pasteur. Maintenant, nous avons des tabernacles comme des champignons. Dans une seule cité, vous pouvez trouver plusieurs tabernacles, il n'y a même pas moyen de l'expliquer. Et tu disais que dans une seule cité, il doit y avoir une église. Maintenant, aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Que Dieu vous bénisse richement. Le rebelle. Nous, nous sommes ici, c'est pour aller au ciel. Nous ne sommes pas ici pour le bien terrestre. Mon frère, que Dieu puisse te révéler. Être révélé, c'est une grande chose. Et toi qui m'écoutes dehors, que Dieu puisse te révéler. La révélation, c'est une grande chose. Que Dieu vous bénisse. C'est comme si tu as quitté de là où tu étais et tu te tiens dehors. Tu étais dans l'obscurité, maintenant tu sors, tu es dans la lumière. Et quand tu quittes encore dans la lumière pour rentrer encore dans l'obscurité, tu es maudit. Parce que tu vas aller prêcher autre chose dans le monde, ils vont te poser la question. Tu dois sentir d'abord l'amertume dans ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Suivez-moi bien. Nous avons dit, dans une seule cité, il peut y avoir 10 ou 11 églises. C'est pourquoi le frère Franck a posé la question, comment est-ce que tu peux m'appeler ton frère? Si cette terre, on ne mange pas ensemble, on ne partage pas ensemble. Et maintenant, c'est là au ciel qu'on ira nous mettre ensemble. C'est pourquoi, si tu n'as pas la force, demande Dieu de te donner le pouvoir. Tu dois poser la question, en quoi suis-je ton frère? Que Dieu vous bénisse. Les églises, nous y allons tout doucement. Nous allons lire le prophète. La grande commission, la prédication, paragraphe 62, nous allons lire. Jésus a dit, allez prêcher l'évangile, c'est vrai. Nous construisons des écoles partout. Ça, ce sont des organisations, des instructions. Là, on n'est pas contre. C'est tout à fait un ordre. Là, on n'est pas contre ça. Mais il a dit, prêchez l'évangile. Il n'a jamais dit de bâtir les églises, non. Il n'a jamais dit de fonder des organisations. Il n'a jamais dit de fonder des écoles. Il n'a jamais dit d'avoir de séminaires. Mais il a dit prêcher l'évangile. Et nous avons fait autre chose. C'est la raison pour laquelle le païen sont dans les conditions où il se trouve aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle ces choses sont là, le frère. Où est le Dieu d'Abraham aujourd'hui? Le Dieu de Jacob, d'Isaac. Il est encore vivant aujourd'hui. C'est nous qui avons reçu ces messages. Prêchons la bonne nouvelle partout dans le monde pour que les gens puissent quitter de l'obscurité vers la lumière. Nous disons que parce que nous sommes devenus nombreux. Si nous lisons les Actes des Apôtres, chapitre 2, Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Ils étaient en train de persévérer jour par jour et il y avait 3000 âmes qui croyaient chaque jour. Maintenant, ces 3000 ici, est-ce qu'ils avaient fait combien d'églises? Acte 2, verset 47. Ils adoraient que le Seigneur et ils faisaient de bonnes œuvres en partant de tout le monde, c'était correct. Maintenant, chaque jour, le Seigneur ajoutait les sauvés à leur nombre. Après la prédication de la Pentecôte, il y avait 3000 âmes chaque par jour. Maintenant, chaque jour, ils ajoutaient combien d'églises avaient construit. Ça, ce n'est pas chez nous. Nous, on nous a ramenés à l'enseignement des apôtres. Aller partout dans le monde. Amen. Même en brousse. Excusez-moi. Il y a d'autres personnes qui pensent que si l'église est en brousse, les gens ne veulent pas y aller. Ils ne partent pas en brousse. Là où il y a 20 personnes, non, les gens ne s'y rendent pas. Et ils aillent seulement là où il y a la joie, là où c'est bien construit, là où il y a une grande église, là où il y a beaucoup de gens. Et il y a maintenant l'envie en eux. En cela, il y a l'envie, la préoccupation de Dieu. C'est que les enfants, ses enfants puissent revenir à lui. L'âme d'une seule personne, beaucoup, même s'il se trouve en bourse, une seule âme, c'est celui qui est cherché. Amen. Aujourd'hui, toutes ces choses après fin. Ici, c'est bien. Lisons un peu, c'est bien ici. Nous faisons le contraire, nous faisons autre chose. C'est la raison pour laquelle les païens se retrouvent dans cette condition où ils sont aujourd'hui. Être serviteur de Dieu, il n'y a pas moyen de les choisir. C'est Dieu qui va t'envoyer. C'est Dieu qui va te les donner. Si Dieu te donne, tu dois lui servir. Amen. Va prêcher la bonne nouvelle. Va annoncer la bonne nouvelle, même en brousse, même dans des montagnes, même dans des vallées, dans des rivières. Parce que le Seigneur revient bientôt. Maintenant, les gens sont en train de chercher Dieu. Est-ce qu'ils ont déjà compris? Et ils ont déjà vu Maintenant, ce que nous faisons, nous les chassons, c'est nous qui avons la vérité. Est-ce que c'est la vérité pour construire des églises en désordre? Dieu t'a appelé, bien sûr. Maintenant, tu dois obéir d'abord à ton appel. Tu dois te garder. Amen. Que Dieu puisse faire grandir cet appel. Il n'y a jamais eu de prédicateur sans église. Église, c'est un pasteur. Ça devient difficile, hein? L'église, c'est un pasteur. Si vous n'acceptez pas, c'est comme ça. C'est ça la vérité. Allez voir ton frère. Si devient difficile, amène un deuxième témoin. S'il résiste encore, cherche un troisième témoin. S'il est toujours difficile à comprendre, alors son problème là, vous devez amener ça à l'église. Vous lui amenez maintenant à l'église. Ah, j'ai venu seulement à l'église, mon frère, s'il est devenu seulement inconseillable. Maintenant, l'église va dire maintenant au pasteur. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi notre frère Franck, que Dieu vous bénisse. Nous, on ne marche pas dans l'obscurité. Nous avons toutes choses au clair. Parce que quand les églises se divisent dans ce monde, nous savons pourquoi ils sont en train de diviser les églises. Parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. Ils sont en train de s'arranger eux-mêmes. L'autre, il cherche ce qu'il veut. Lui aussi, ce qu'il voit. Nous allons les lire. La prédication au commencement était la parole. Apana, les interprétations, paragraphe 41. Quelqu'un doit le dire et le faire retentir. L'avertissement dans tous les pays du monde. Le représentant en fonction de chaque religion il est en train de se battre pour leurs pensées de l'enseignement de leur doctrine et ils croient à leur enseignement comme des cultes pour conduire tout envoie leurs missionnaires tous ceux qui sont zélés partout dans leurs activités. Nous n'avons pas seulement beaucoup de religions de par le monde. Mais aussi 340 des églises chrétiennes. C'est 342e communauté. Cela veut dire, si on peut appeler ça correctement, 342e erreur. Uni dans le conseil écuménisme des églises, qui fut fondé le 23 août 1948 pour Amsterdam. Tous citent Dieu et aussi ils citent la Bible. Et ils enseignent fondamentalement différents et aussi ils sont en train de bâtir. Ils sont en train de construire leur propre royaume en appelant cela le royaume de Dieu. Pour l'église de Jésus-Christ, il ne s'agit pas d'être reconnu par les gens de ce monde et avoir une puissance de ce monde. Mais c'est de combattre pour la foi biblique qui a été confié dès le commencement au Saint, à ceux qui étaient consacrés à Dieu. Jude, verset 3. C'est ce qu'il y avait sur le cœur des apôtres à ce temps-là, et c'est aujourd'hui aussi que nous avons à cœur. La parole de Dieu doit être connue en toutes choses comme seule valable. Et toutes ces interprétations d'hommes et enseignements d'hommes doivent être mis à nu. Et étant reconnu comme le mensonge de l'ennemi. Cela n'a pas d'importance sur un évangéliste s'il parle du retour du Seigneur Jésus-Christ et s'il prêche les signes du temps de la fin. Et il doit persévérer avec le vin de tradition, avec des doctrines non bibliques. Chacun qui cherche sincèrement doit prendre conscience en lisant cet exposé de la direction dans laquelle il s'est engagé. Il doit comprendre ce qui le concerne. La parole de Dieu ne restera pas sans effet. C'est pourquoi cela a été envoyé. À cause de cela, révélons que s'il y a quelque chose qui doit être corrigé, il faut que cela puisse se faire au nom du Seigneur. La triste réalité, et que la chrétienté ne remarque presque pas qu'elle vit dans une force aussi. Partout, il peut y avoir des interprétations, mais pas la parole de Dieu. Amen. C'est ce qui se trouve dans le monde, dans les dénominations. Parce que le père de tous ces gens ici, c'est le pape. Il a fait cela, c'est pour retourner les protestants en lui. Aujourd'hui, vous allez trouver les protestants, mais aussi la silhouette de Marie, ce qui est honteux. Nous, la seule ici, Marie, qui a engendré, qui a donné naissance à notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas la Marie du Rome. La sœur Marie qui a donné naissance à Jésus-Christ, ce n'est pas celle de Rome. Celle de Rome, c'est, on l'amène dans le mensonge. Amen. La postérité de David n'est pas celle de Rome. David, il est juif, il est de Bethléem. Dieu bénisse. Il les a attirés encore pour le faire retourner. Ça, ce n'est pas pour nous, ça ne nous appartient pas. C'est pour moi, la marche de Caïn, le roi descend en bas. C'est Caïn ici, c'est Abel, c'est Corée ici, le roi c'est en bas. Ça descend vers le bas, aller en enfer, parce que Corée il n'est pas arrivé pour le service de Dieu. Là, nous lisons dans Nombre sura yake ya 11 nombre 11 sura ya 11 verset 11 Musa alichoka. Moïse était fatigué. Kwani haina cheo ni mzito. Pas de l'autorité, c'est une charge. Il était fatigué au travail, il a demandé au Seigneur, Seigneur, accorde-moi, Seigneur, les gens qui peuvent m'aider. Parce que moi-même, je ne tuerai pas avec ces groupes. Pourquoi ils font du bruit? Si toi, tu dis, c'est seulement moi, Moïse, qui vois leur conduire. Maintenant, tue-moi, que je puisse mourir. Parce que je ne t'aurais pas conduit ces gens ici. Je ne les ai pas engendrés. Et Dieu a dit, alors, tu peux appeler les 12 personnes que tu connais. Moïse avait choisi 70 personnes. Il les a amenés devant Dieu. Il n'y a personne qui peut servir Dieu sans qu'il faut être appelé. C'est pourquoi la révolte de Corée ne s'est pas révoltée, c'est que Dieu bénisse. Là où nous servons Dieu, vous recevez seulement la parole qui sort. Si tu vois quelque chose qui quitte du haut de la chair arriver au temps de bain, mon frère, ma soeur, prie Dieu. Qu'on ne puisse pas vous dérouter. Le problème des prédicateurs, si vous commencez à recevoir ça, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Prêtez oreille. Parce que Corée, il avait pris même ses frères. Si nous lisons les Écritures, vous allez voir, il a pris au moins 250 personnes. C'est pourquoi nous avons dit, c'est lui qui quitte ici pour aller diviser l'église et commencer une nouvelle église. Il ne va pas dire avec les gens avec qui il va commencer. Il va prendre les anciens croyants, c'est avec qui il va sortir avec. Si cet esprit commence, même toi, un frère, si tu commences cela, tu dois conseiller ses frères qui voient ses pères. Il y a la martyre qui commence en lui. C'est pourquoi Corée avait pris 250 personnes avec lui. Nombre 6, verset 1. Vous allez voir le nombre avec qui Corée était parti. Que Dieu bénisse. Si vous prenez le nombre de ces gens-là, Dieu s'est tenu et il a regardé son serviteur. Il était vraiment touché. Nous allons lire. Ce message concerne Corée. Il fait tuer les gens. Et quand vous écoutez Moïse, ouvre la bouche et parle et dire ceux qui sont du côté de Dieu, venez décider. Si vous entendez les choses qui se passent dans les sacerdoces et toi tu es assis là, tu écoutes, prie Dieu parce qu'on va te tuer spirituellement. C'est pourquoi les enfants d'Israël étaient partis à côté pour écouter le bruit qui s'est passé entre les serviteurs de Dieu, Corée. Ces esprits ne manquent pas, mais que Dieu nous fasse grâce. Le retour du Seigneur est proche. Nombre 11, verset 7. Avec orgueil. Moïse dit à Corée, écoutez donc, vous enfants de Lévi, et c'est trop peu pour vous, que le Dieu d'Israël vous a fait choisir dans l'ensemble des enfants d'Israël et vous a fait approcher de lui. afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentez devant l'Assemblée pour les servir. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous, les hommes ensemble avec toi. Et tu veux aussi être sacrificateur. Si ta fille de Dieu n'a pas obéi avec ses travaux de berger, il s'est approché de lui parce qu'il les a appelés et ils ont refusé. Il était rempli d'orgueil. Amina. Amina. Parce qu'il savait que nous avons travaillé avec lui. Derrière lui, il avait beaucoup de gens que je puisse commencer à le suivre face à face. Il peut aller avec beaucoup de gens. Alors il s'est approché de lui et il lui a dit: prêcher, ça devient pour toi difficile. Et tu veux être même pasteur? Que Dieu vous bénisse. Ils avaient de réponse d'orgueil. Allons vite, vite. 12. Moïse envoya Dan et Abiram, fils d'Eliab. Mais il dit, les hommes, nous ne monterons pas là où tu es. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir du pays? Où coulent les lait et les miens? Pour nous faire mourir au désert. Sans que tu continues à dominer sur nous. C'est ça la réponse qu'on avait donnée à Moïse. Maintenant, les serviteurs de Dieu, lui, il s'est préoccupé pour que le peuple de Dieu puisse arriver. Et quand ils étaient en train de parler avec Orgueil, c'est parce qu'ils étaient au nombre de 250 personnes. Et les serviteurs de Dieu qui faisaient confiance en Corée qu'il était aussi saint. Et ils ont fait confiance en Corée comme s'il était saint. Alors que celui qui a été témoigné clairement devant Dieu, c'était le prophète. Il les avait dit. Ils ont adoré. Ils ont sorti et parti. Mais pas au milieu du chemin. Ils étaient remplis d'orgueil. Et les enfants de Dieu, nous nous avertissons pour ces chaînes, pour ces malvoyages, parce qu'il y a ceux qui nous ont précédés. Beaucoup de gens sont restés en cours de route et ils sont décédés. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons que nous tous nous puissions arriver. Il y a plus de temps pour que ces esprits puissent se trouver encore au milieu de nous. Ces esprits puissent se trouver encore au milieu de nous. Ce n'est pas le cas. Que Dieu bénisse le chemin. C'est pourquoi chaque fois le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, marque tel souvent sur le prédicateur. C'est le temps de la fin. La prophétie a été annoncée depuis longtemps. Maintenant, aujourd'hui, le temps arrive que nous puissions nous avertir. Actes des apôtres sur ces voyages. Actes des apôtres. Actes des apôtres 12, verset 14. Musopoke nini wenyewe. Prenez garde. Musopoke tena yulu ya kundi mzima vile Roho Mtakatifu ilimiweka sawa baskofu yulu ya kanisa. Prenez garde comme l'esprit de Dieu vous a établi comme évêque pour paître le troupeau du Seigneur. Il a linenua kwa damu yake mwenyewe. Il a racheté par son sang. Mimi mina jua. Moi je le sais. Ya kwamba nyuma yangu. Que derrière moi. Utajiingiza bambwa mwitu. Il y aura de loups. Bakali batajiingiza katikati yenu. Ils vont s'infiltrer au milieu de vous. Basipo kuepusha kundi. Ceux qui n'épargneront pas le troupeau. Na nini wenyewe. Et vous-même. Katikati yenu kutalamuka bantu batalamusha makelele mabishano. Parmi vous, il y aura des gens qui vont susciter des querelles. Dua kukokota kundi ya waminifu ba kwenyuma yabo ili wapate les croyants derrière eux et les suivre. Kumbi mukeshe musopoke. Alors veillez. Mukumbuke na ile wakati ya miaka 3. Souvenez-vous de ces 33 ans. Ile misi kwache kumikalamusha nini yote. Je n'ai pas cessé de vous avertir vous tous. Usiku na mchana. Nuit comme jour. Et j'étais en train de vous exhorter avec des larmes. C'est Paul qui est en train d'avertir les serviteurs. C'est pourquoi il n'y a pas qu'un seul serviteur, il y a plusieurs bergers. Si vous voulez être dispersé, le Seigneur a dit, on va juste taper le berger. On va juste frapper les bergers pour que le brebis puisse s'éparpiller. S'il regarde à ce bruit-ci, de ces insultes, de ces mépris, lui aussi, il va faire tomber les troupeaux par terre. Je ne sais pas si l'église vous suivait. L'église vous suivait. C'est ce qui concerne Corée. Il est temps. Moïse avait pleuré. Moïse a dit, néanmoins, si je ne suis pas serviteur de Dieu, tu avais entendu là aux cieux. Et ce soir. Et ce soir encore. Si tu veux persévérer dans la foi, tiens-toi sur la parole de Dieu. C'est là que tu vas bien te tenir. Fais confiance aux serviteurs de Dieu que Dieu vous a donné. C'est là que tu vas vaincre, tu seras vainqueur en toutes choses. Si tu veux bien marcher, tu dois te tenir sur la parole de Dieu. C'est là que tu vas persévérer. Faites confiance dans les serviteurs de Dieu et là tu seras vainqueur en toutes choses. Amen. En vérité, vous serez vainqueur en toutes choses. Vos projets. Mon serviteur de Dieu, je vais faire ceci. S'il dit non, toi aussi tu dis non. Si tu dis oui, et toi si tu dis oui, c'est pour ce voyage que nous sommes en train de nous avertir pour que nous puissions tous arriver en paix. Que Dieu vous bénisse. Moïse les avait suivis. Moïse les avait suivis. Et ils n'étaient pas d'accord. Et il avait dit, vous tous qui êtes du côté de Dieu, venez derrière moi. Ceux qui étaient des dieux, ils sont quittés. Et ils pensaient que c'était un petit jet. Baraka yake, yule mutu anatumainia Mungu. Là. Béni soit celui qui fait confiance en Dieu. C'est lui qui voit Dieu dans l'homme. Baraka iko kwa ule mtu ako naona Mungu ndani ya mtu. La bénédiction est attachée à celui qui voit Dieu dans l'homme. Là tu es béni. Amen. Amen. Jo Mungu ekalake muwewa pana. Parce que Dieu n'est pas dans les airs. Non. Mungu unasikia tu muwewa sasa. Oh, vous entendez dans les airs la voix qui sort. Mungu ekalake ndani ya watumishi. Il est dans ses serviteurs. Kama unatumainia mtumishi wa Mungu. Si vous faites confiance dans les serviteurs de Dieu. Là c'est Dieu que tu es en train d'honorer. Si tu es mépris un serviteur de Dieu, c'est à Dieu que tu te rébelles. Si toi tu n'honores pas Dieu, tu peux honorer même l'œuvre qu'il est en train d'accomplir pour Dieu. Amen. Amen. Amen. Diviser les églises, ça commence d'abord par les mépris. Tu es rempli de démons. Tu commences le mépris. Tu commences les insultes. Parce qu'on va te poser la question. Tu vas dire de mensonges. Nous avons lu notre souffrance. Si nous voulons redresser toute chose, c'est redresser avec la parole de Dieu. Maintenant, forcément, les interprétations, il n'y a pas la parole de Dieu, il est temps. Moïse a appelé ce qui était du côté de Dieu pour quitter. Il était temps. La terre s'est fondue. Dans cet esprit-là que tu puisses quitter. Tous ceux qui me suivent partout, vous m'écoutez, quitte dans cet esprit. Les gens que tu as tirés pour diviser l'église, que tu puisses te retourner, ce ne sont pas tes sujets. Sinon, si ce n'est pas le cas, tu vas te perdre. C'est la vérité. Tout celui qui divise les églises. Tout celui qui séduit les gens, il ne rentre pas. Lui, il ne rentre pas. Tout ce qui est séduit, pardon, vous avez le temps pour être sauvé. Retournez. Celui qui vous a séduit, lui ne va pas rentrer. Lui, il va continuer, il va se perdre, il va mourir. Parce que Corée, il a été avalé par la terre et sa femme, ainsi que ses enfants. Autre chose, la prophétie de Balaam. Il avait dit aux Moabites de venir séduire les enfants d'Israël. Dites-leur que vous êtes des frères. Ils vont accepter, ils vont venir. Quand ils vont venir, vous allez communier, vous allez manger ensemble, boire ensemble. Leur Dieu va les tuer. Le secret était sorti. Après, il s'est tenu. Il a dit, il s'est glorifié. Balaam, fils de Té, il a dit, celui qui va détruire Israël, qui va maudire Israël, Dieu lui maudira aussi. Il va détruire même sa postérité parce qu'il avait vu. Il a dit ça. Mais il n'a pas pu demander pardon. Amen. Il a vu et il a dit, mais il a échoué de demander pardon. Il était prédestiné à la perdition. Mais les enfants de Dieu ont été élus dès avant la fondation du monde. La postérité d'Abraham. Mais si dans ma maison il y a des choses qui déplaisent à Dieu, moi je vais les refuser. Ce sont ces gens-là qui retournent devant Dieu. Ils s'agenouillent et demandent pardon en pleurant. Si toi tu es prédestiné à la perdition, que Dieu vous bénisse. Deutéronome. Lorsque nous lisons dans le Deutéronome, la maison ici appartient à Dieu. S'il y a des problèmes, viens seulement ici, repends-toi, agenouille-toi dans la maison de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu que Dieu avait établis. Et avec tes problèmes, amène ça auprès des serviteurs de Dieu. Ils vont commencer avec toi du matin au soir, même la nuit. Dans tes décisions là, tu vas te perdre. Kumbukumbu la Torati uisome mzuri. Deutéronome, lisez bien Deutéronome. Sura 17, verset 12. Uisome mzuri. Lisez correctement Deutéronome. Utaona watumishi wa Mungu. Tu verras les serviteurs de Dieu. Upeleke kwa mambo yako. Amenez vos problèmes. Nijua kusaidie mwisafari. Pour que les serviteurs de Dieu puissent vous aider dans cette marche. Kama una roho ya Mungu. Si tu as l'esprit de Dieu. Ulisema kumwanja. Nous l'avons dit au début. Chibote tuko hapa tuko batoto ya Mungu. Nous sommes enfants de Dieu. Celui-ci c'est un enfant de Dieu, l'autre c'est un enfant de Dieu. Hébreux sura 2. Hébreux 9. Ni paka tout muone Yesu. Si nous voyons le Seigneur Jésus-Christ. Ula hapa mbele ya malaika. Qui a été fait descendre avec les anges. Tu puisses sauver les gens. À travers l'amour, tu puisses ramener beaucoup de fils. Pour briser son corps et son sang. Celui-ci a l'esprit de Dieu, l'autre a l'esprit de Dieu. Dans la chair, nous pouvons nous corriger. Lorsque nous arrivons devant les serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas faire que 3 minutes, 3 heures, même si ses frères vous offensaient. Toi aussi, il y a quelque part où tu l'avais offensé. Amen. Amen. Tu ne peux pas donner la loi de dire c'est lui qui a fauté, c'est lui qui a fauté. Parce que tu as une partie du Seigneur. C'est lui qui va nous laisser les traces où nous allons suivre. À sa mort, il n'a pas dit. Comment est-ce que tu ne t'es pas prié pour ton frère? Oh, il m'avait provoqué. Comment est-ce que tu avais cru? Comment est-ce que tu avais cru? Commence à te conseiller toute la journée. Du matin au soir, on est en train de te conseiller. Que Dieu te bénisse. Ce sont des histoires qui font mal au cœur. Toi, tu es le bras. L'autre ici, il a un pied. Peut-être que vous ne comprenez pas bien. Le corps du Christ est comme ça. Moi, je suis peut-être l'oreille. Toi, tu es la bouche, tu es les lèvres. L'autre, c'est la dent. L'autre, c'est la jambe. Tel que tu sens lorsque on te gifle et au jour et la langue dit comment gifler, on peut piétiner sur une épine, mais la bouche va dire que oh, j'ai piétiné l'épine et la main va aider. Ça arrive même dans la maison. Un seul corps, un frère qui croit, la soeur qui croit, ils sont mariés et femmes qui viennent répondre. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait pitié. Les enfants de Dieu, que Dieu bénisse. Dans chaque difficulté qui peut se retrouver dans une ménage, avant d'arriver auprès des serviteurs, néanmoins si ça soit un grand problème, c'est vrai, le diable peut vous éprouver. Il y a d'autres problèmes que vous pouvez gérer vous-même dans une maison, ma soeur. Même si ton frère n'a pas encore, non, ton mari n'a pas encore cru, il se met tellement en colère, lorsqu'il va te passer, entrer dans la maison, toi, étant fâché, suis seulement ton mari tout doucement, que tu puisses l'embrasser, mon bien-aimé. Lui étant fâché, voyons voir s'il ne va pas sourire. Il va sourire. Toi aussi tu restes fâché, le mari étant fâché, dans cette marche, tu vas rester. Amen. Tu vas rester dans cette marche, tu vas rester. Esaïe avait donné la bonne nouvelle, l'évangile à Israël. Si nous lisons Romains, le Dieu de Sabaoth, celui qui nous a laissé cet évangile, on devait être convertis depuis Sodome et Gomorrhe. Si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, c'est à cause de cet évangile véritable qu'on nous a donné. Nous devons marcher dans l'évangile pour que nous puissions voir la réponse à toutes choses. Que nous puissions bouger ces mondes. La parole de Dieu puisse vivre en nous. Vous, devant les païens, autre chose, c'est quoi? Ces choses qui apparaissent dans, de, dans des familles, ça ne doit pas amener des troubles pour mari et femme. C'est lui qui a pris ses problèmes, c'est qui vous prenez des histoires dehors, vous l'amenez dans la maison, même si les problèmes surgissent côté soeur, ça ne concerne pas ta femme. Vous, vous êtes les enfants de Dieu. Vous préparez pour aller au ciel. Et ce sont des païens. Quand bien même ils sont des frères dans la chair, mais spirituellement, nous ne sommes pas ensemble. Les problèmes de la famille ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas amener ça dans votre famille, frère. Vous allez vous enterrer vous-même. Les choses de la famille ne vous concernent pas. Vous, vous avez déjà quitté la famille. Que Dieu vous bénisse. Autre chose, c'est ça. Tout mépris, on a méprisé ton frère. Lorsque vous vous retrouvez ensemble, que tu puisses lui donner d'abord la loi. Mon frère, prends ça comme si c'était pour toi. Ne prends pas ton frère que tu commences à l'exposer. Pendant que vous tous êtes dans une seule famille, en bref, c'est ça. Les soldats du pape, vous les connaissez. Ce sont les dénominations. Les soldats du pape, ce sont les dénominations. Ce sont les gens de dénomination. Ce sont eux les soldats du pape. Amen. Va parler avec les CPK. Tu verras de l'autre côté. Il va leur donner raison. Pardon. Parce que c'est lui qui a la vérité, c'est ma foi. C'est toi qui as la vérité. Pourquoi tu prends le problème de ton frère, tu amènes, tu peux exposer ça auprès des païens. Toi, si tu commences à parler avec eux, vous vous enterrez vous-même. Amen. On insulte un singe. Est-ce que l'autre singe sera bon? Tous ils ont des pieds, ce sont des singes. Et toi et moi, nous sommes les enfants de Dieu. Le jour de la grande tribulation, ils vous chercheront parce que si tu restais, ils vont te poignarder. Parce que toi aussi, tu es en train de nous presser. Maintenant, tu es en train de nous mépriser. Maintenant, aujourd'hui où nous en sommes, si tu as déjà crié, tu t'es déjà répandu, considère votre marche. Si tu commences à rétrograder, tu vas tomber où? C'est entre les griffes du diable lorsqu'il va te saisir entre ses mains. Tu seras pur qu'avant. Alors, ne rétrogradez pas, persévérez. Que nous puissions nous rencontrer avec le Seigneur qui vient tout de suite. Gardons la parole de Dieu. Ôtez l'amertume dans, la, dans le cœur. Si vous n'avez pas les yeux spirituels, priez Dieu. Si vous avez les yeux de l'esprit, vous allez voir que tout ce qui est du monde est tellement nul. Tu n'auras pas de nouvelles de mépris parce que ce monde ne t'appartient même pas. Nous, nous sommes le passager, nous sommes les pèlerins. Le Seigneur ne nous a pas enseigné comment compter le jour. C'est la première partie que nous allons lire. C'est dans Nombre 9. Dieu ne nous a pas enseigné de compter le jour. Que puissions commencer au verset 9 et 12. Dieu ne nous a pas enseigné à compter le jour. Si l'esprit de Caïn habite en vous, prie que Dieu puisse t'aider. Nous, nous sommes des passagers. Nous, que tu puisses t'arrêter dans la parole de Dieu et persévérer. Mets en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu qui s'assoit en vous. Que tu puisses marcher dans la parole de Dieu. Même si tu ne prêches pas. Que tes mots et tes actes puissent prêcher. Vous tous les représentants, vous êtes des représentants du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être vous ne le savez pas. Que Dieu vous bénisse.